c'est Tibulus. Très heureux de vous retrouver pour le podcast de l'Avent. Vous le savez, chaque jour, on se retrouve et on ouvre une case. Et derrière la case, il y a des surprises, voire même il y a des bêtises. Et aujourd'hui, quand on ouvre la case numéro 6, il y a quelqu'un qui apparaît, quelqu'un de très important, puisqu'il s'appelle Viorg, et c'est un druide. Car vous le savez, le Père Noël, pour s'envoler et faire envoler ses rennes, il utilise de la poudre magique. Et derrière la poudre magique, il y a un druide exceptionnel, et on a la chance de la voir en ce 6 décembre. Bonjour, druide Viorg. Bonjour, bonjour à tous, très heureux d'être dans le podcast. On est très heureux de t'accueillir. Alors parle-nous un peu de ta profession de druide et de cette fameuse poudre magique. C'est une poudre magique très secrète. On ne dévoilera bien évidemment pas les ingrédients, mais je peux vous dire que je me balade en forêt et que je sais repérer les plantes qui ont des vrais pouvoirs. Je sais même plonger ma main dans le lac pour essayer de récupérer des micro-algues qui ont des propriétés exceptionnel. Ah, c'est un métier compliqué, le métier de druide. On imagine, et c'est très gentil de nous le faire partager aujourd'hui. Tu veux vraiment pas nous donner un élément secret de ta poudre magique ? Oh non, n'insiste pas, Tibulus, je ne peux pas, car la magie doit rester secrète, et c'est pour ça qu'elle est magique. Dis-moi, Viorg, je crois que tu ne fais pas que de la poudre magique qui permet de voler. Tu fais également d'autres poudres qui permettent de travailler plus dur pour nous autres lutins. Et de la poudre qui permet au Père Noël de dormir quand il veut se reposer. Enfin, toutes sortes de poudres. Oui, la nature est bien faite. Il suffit de l'observer et découvrir des éléments aux propriétés incroyables. Je fais effectivement une poudre qui permet de travailler mieux et plus vite. Et je suis bien placée en tant que petit lutin pour le savoir. J'en ai pris une ce matin de potion à la poudre qui permet de travailler plus vite. Mais sinon, je te rappelle que le podcast, c'est surtout raconter ses bêtises. Toi, Viorg, vieux druide, tu ne fais pas beaucoup de bêtises, tu es quelqu'un de très sage. Ah, détrompe-toi, des fois je fais des poudres un peu espiègles qui ne donnent pas tout à fait les propriétés qu'on attend. Tu peux m'en dire plus, Viorg ? Oui, ce matin, tu as cru prendre de la poudre magique pour travailler plus vite, mais c'est pas le cas. Ah si, bien sûr, j'ai travaillé plus vite. Non, c'est une poudre qui donne le hoquet toute la journée. Enfin, Viorg, tu vois bien, je n'ai pas le hoquet. Oh non, Viorg, tu m'as piégé. Je vais avoir le hoquet toute la journée. Oui, même les vieux druides savent s'amuser. Je vais devoir finir le podcast avec le hoquet. Bon, je vous dis à très bientôt, je vais essayer de me remettre, et à demain pour de prochaines bêtises. Au revoir, Viorg. Au revoir, les amis. Salut.